La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, le temps existe-t-il ? Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver en direct du Salon du Livre pour notre conversation scientifique. Je salue avec émotion et reconnaissance le public qui est là devant nous, nombreux, assis, debout, serrés, tassés. Il faut dire que notre invité d'aujourd'hui est Carlo Rovelli. Bonjour Carlo. Bonjour Étienne, bonjour tout le monde, ici et à la radio. Vous êtes physicien théoricien, auteur avec un autre physicien, Lis Molin, de la théorie dite de la gravité quantique à boucle, et vous venez de publier un livre intitulé « L'ordre du temps ». Cela tombe bien car le sujet que j'ai choisi de discuter aujourd'hui est justement « Le temps existe-t-il ?». Vous avouerez que c'est une bonne question car lorsque nous méditons sur le temps, nous ne savons jamais trop à quel type d'entité nous avons affaire. Le temps est-il une substance? Est-il un fluide? Est-il une illusion, voire une hallucination? De nombreuses locutions familières suggèrent qu'il s'agit d'un être physique, tandis que d'autres, tout aussi nombreuses, laissent penser le contraire, par exemple qu'il serait une production de notre conscience, ou bien un aspect des processus naturels, ou encore une simple construction culturelle. Alors voilà le programme, cher Carlo Rovelli. Nous avons une heure montre en main pour examiner la question de savoir quelle réalité ou quelle absence de réalité se cache derrière le mot « temps ». Et avant de l'aborder frontalement, je voudrais vous poser une question peut-être personnelle. Moi, j'ai deux montres, mais vous en avez trois. Oui, trois montres. Et pourtant, dans le livre, vous développez des arguments montrant que ça ne sert à rien d'avoir une montre parce que le temps n'existe pas. Ah ben justement, mieux avoir deux, mieux encore avoir trois. Plus on en a, plus le temps existe. Ah oui, bon point. Oui, plus on a. On a beaucoup parlé cette semaine, Carlo Rovelli, de Stephen Hawking, qui est mort le 13 mars dernier. Il a travaillé sur des sujets proches des vôtres. Et il avait créé une petite polémique il y a quelques années en disant que la philosophie était une discipline morte au motif qu'elle n'avait pas su intégrer les découvertes des physiciens. Vous-même, dans votre livre, vous citez beaucoup de philosophes, des poètes également. Quel est votre rapport de physicien-théoricien avec la philosophie ? Alors, j'ai beaucoup de respect pour Stephen Hawking, pour ses idées sur lesquelles nous sommes en train de construire. Immense respect humain pour lui, pour son parcours, et une immense sympathie et affection pour sa capacité de parler, son ironie, sa capacité de parler à tout le monde. Mais je ne pourrais pas être plus en désaccord avec lui que le moment où il dit que la philosophie est morte. Je pense que c'est une phrase qui montre qu'il ne connaissait pas assez qu'est-ce que c'est la philosophie, pas assez comment la philosophie a toujours eu une influence immense sur le développement de la science, et je pense qu'elle l'a encore. Alors on va aborder cette question énorme, la question du temps, de l'espace-temps, du statut qu'il peut avoir en physique dans les théories qui sont aujourd'hui constituées ou dans celles qui sont à l'ébauche aujourd'hui, comme celle que vous développez, la gravité quantique à boucle. Alors, quand on lit les ouvrages de physique théorique sur cette question, on a l'impression que les physiciens théoriciens imaginent toutes sortes d'hypothèses et leurs calculs bouleversent toujours à la fois la structure du temps et ses propriétés. Il y en a certains qui imaginent que l'espace-temps pourrait avoir plus que quatre dimensions, d'autres qu'il est un être déductible d'un inframonde plus fondamental que lui, d'autres imaginent encore qu'il serait discontinu, et je crois que vous en faites partie. Et donc, la question qui va irriguer notre conversation est celle de savoir quelles sont les propriétés caractéristiques du temps, celles qu'il faut lui accorder a priori, qui permettent ensuite de le reconnaître sous la forme de telle ou telle variable ou construction mathématique. Parce qu'après tout, pour reconnaître le temps dans un jeu d'équations, ou bien pour y détecter son absence, il faut déjà le connaître. Et pour le connaître, il faut avoir une théorie qui permette de donner ses propriétés, ses caractéristiques. Et donc, pour le connaître, il faut le reconnaître. Et donc, je vous propose que nous avancions de façon pédestre, en commençant par rappeler qui a introduit le paramètre temps des physiciens en physique, dans l'histoire. Est-ce que c'est Galilée? Est-ce que c'est Newton? Alors, oui, il y a beaucoup d'idées différentes sur le temps maintenant en physique. Mais moi, je commencerai pour faire une distinction claire entre un certain nombre de choses que nous avons apprises et qui sont assez acquises, qui ne sont plus discutées, on a compris, par exemple, que les horloges vont à des vitesses différentes, à des altitudes, des hauteurs différentes, qui sont des découvertes très fortes, très surprenantes, qui changent notre intuition du temps. Faire une distinction entre ce genre de choses acquises, d'un côté, et de l'autre côté, des spéculations, des idées sur comment la structure du monde et la structure temporelle du monde devrait être. Donc ça, c'est d'abord une distinction claire. Donc il y a une partie claire, une partie encore à comprendre. Alors, pour venir à qui a introduit la notion du temps en physique, personne, elle a toujours été là. Il y a je dirais que, moi j'ai écrit un livre sur Anaximandre, et qui est un philosophe qui a vécu il y a 26 siècles, donc bien avant Aristote et Platon, qui a fait pas mal, dans un certain sens, partir la science, dans le sens qu'il a commencé un certain développement qui sont devenus la science plus tard. Et il a écrit un livre, tout est perdu de lui, complètement, sauf une phrase. Et cette phrase dit que les choses se transforment les unes dans les autres et se rendent justice les unes les autres selon l'ordre du temps, qui est le titre de mon livre. Donc je dirais que là, il donne une instruction à la science, étudier comment les choses évoluent dans le temps. Il y a déjà une idée de temps qui passe. Alors c'est une instruction, mais ce n'est pas une loi physique. C'est-à-dire qu'Anaximandre n'a pas utilisé le paramètre temps pour décrire des lois physiques. Non, il n'a pas utilisé le paramètre temps pour décrire des lois physiques. Dans l'astronomie, alors il n'écrivait pas des lois physiques. Je dirais les premières lois physiques qu'on connaît bien viennent de l'astronomie, dans l'astronomie ancienne, d'Hipparque, de Ptolémée, et il y avait certainement un paramètre temps dans lequel les ciels tournaient autour de la Terre à des vitesses établies et étudiées. Donc, nous avons là, par contre, nous avons les livres, nous avons l'Alma Gest de Ptolémée, et il y a la notion de temps qui passe et la notion de mouvement en fonction du temps. Donc là, il y a déjà le temps. Celui qui, premier, utilise une notion précise de temps mesuré pour étudier des phénomènes physiques terrestres, pas dans le ciel, c'est Galilée, qui est aussi au début de la construction de l'idée de comment construire les premières horloges, parce que celui se rend compte qu'un pendule indique le temps de situation du pendule ne change pas avec l'amplitude, ne change pas trop avec l'amplitude. Et Galilée fait ses premières expériences, encore quand il est jeune, en faisant tomber des choses et en mesurant le temps. Et on ne sait pas exactement comment mesurer le temps. Il y a des hypothèses qu'il utilisait le fait qu'il était un très bon musicien. Donc il mettait des petites clochettes le long de parcours d'un caillou qui tombe ou qui roule sur un plan incliné et qui faisait ding, ding, ding, ding, ding et utilisait son oreille pour mettre les clochettes de façon que le ding, ding, ding était régulier. Donc c'est une mesure du temps basée sur la capacité de notre cerveau de reconnaître les rythmes précis. Ding, ding, ding, ding, ding, au lieu que Galilée était fils de musicien, était musicien lui-même, donc avait une bonne oreille, et ça commence là à mesurer le temps de façon précise. Newton déjà utilise des horloges. Donc on peut dire que celui qui a vraiment produit un système dans lequel le temps est conceptualisé sous la forme d'un paramètre mathématique, c'est Newton qui reprend des calculs et des hypothèses de Galilée. C'est lui qui introduit le vrai paramètre T qu'on appelle d'ordinaire le temps physique. Oui, dans le sens que le livre d'Aristote, avec le titre Physique, qui introduit beaucoup des idées sur lesquelles la physique va se développer, et le nom aussi de la discipline, ça vient de là, du livre d'Aristote, a tout un chapitre et reprend plusieurs fois la discussion sur le temps. Il y a une discussion sur le temps au Moyen-Âge, à Paris, à Oxford, Buridan, ces gens-là. Il y a une grande discussion sur le temps dans Descartes et dans Galilée. Donc l'idée qu'il y a un paramètre temps qu'on utilise pour mettre en ordre les phénomènes qui se passent est précédent. Ce que Newton ajoute, il le fait de façon très explicite, dans l'introduction de son livre, en polémique avec Descartes, donc contre Descartes, fortement contre Descartes, c'est l'idée que le temps n'est pas quelque chose qui sert à mesurer les phénomènes qui se passent, mais c'est une entité en soi on ne voit pas directement. On peut mesurer de façon indirecte en voyant des phénomènes, en construisant des horloges, mais qui quand même passent en soi. Donc il y a un temps indépendant des phénomènes. Ça, c'est une idée purement newtonienne qui est devenue familière à nous tous, parce qu'aujourd'hui, on pense souvent le temps quelque chose qui se passe même si rien ne se passe, mais qui n'est pas naturel dans l'histoire de la pensée. Et qui n'est pas conforme à notre façon habituelle de parler du temps, enfin en tout cas à l'époque de Newton, c'est-à-dire qu'il invente un temps, le temps physique, qui est complètement différent des phénomènes temporels. Exactement. Et qui ne ressemble pas à ce qui se passe dans le temps. Exactement, qui est avant des événements. En lisant votre livre, j'ai appris une chose que j'ignorais complètement, à savoir que Leibniz, dont le nom s'écrivait avec un T à l'époque, a fait retirer le T de son nom pour montrer son opposition au paramètre T de Newton. C'est sûr ou c'est une légende ? C'est une légende, mais je ne sais pas si c'est vrai ou non. C'est une légende que j'ai rencontrée plusieurs fois. Et c'est absolument vrai que le nom de Leibniz, on le trouve dans les documents anciens écrits dans les deux façons, avec T et sans T. Mais donc, à ce siècle-là, c'était normal d'avoir des écritures différentes de noms. Et la légende est bien répandue que lui, il avait l'été en polémique avec Newton. Attention, je pense que la façon correcte de le voir, ce n'est pas que Newton a changé ce que nous entendons pourtant. Newton a suggéré qu'à côté de la signification normale du temps, c'est-à-dire normal étant demain, hier, après-demain, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire le soleil a fait un tour, deux tours, trois tours, donc on compte quelque chose qui se passe. Ça, c'est la définition d'Aristote. Non, le temps, c'est le nombre du changement. Du mouvement. Du mouvement. Donc c'est un nombre pour mettre en ordre. Qui permet de paramétrer les trajectoires. Qui permet de paramétrer. Exactement. Newton dit, mais ça c'est correct. Et il l'appelle le temps vulgaire. Le temps. Mais il dit, à côté de ça, il y a une autre notion qui me permet de faire la physique, qui est le temps qu'il appelle le temps absolu. Le temps vrai. Le temps vrai, il appelle le temps vrai. Mais il dit, c'est à côté de l'autre, le temps vrai. Il dit, ça, ce n'est pas accessible directement, mais c'est dans ce temps-là que je peux créer des équations. Il le fait, ce n'est pas seulement un projet. C'est un succès immense, parce que toute la mécanique moderne vit sur l'idée qu'il y a un temps absolu, qui après devient l'espace-temps. Universel. Universel, commun, etc. Et que les choses se passent suivant des équations réglées dans ce temps absolu. Alors ce temps newtonien, vrai, dit Newton, absolu, indépendant des phénomènes, et qui n'a pas les propriétés des choses qui se déroulent en son sein, est un temps qui va mourir en 1905, à cause d'Einstein. Qu'est-ce que ça change de la relativité ? Il y en a deux de relativité, il y a la restreinte de 1905, dont vous parlez dans le livre, et puis il y a la seconde relativité, théorie de la relativité générale de 1915, qui est une théorie de la gravitation. On procède par ordre. Qu'est-ce que la première relativité va changer dans la conception newtonienne du temps ? Moi, je dirais que le temps va mourir avec Einstein en deux fois. C'est le temps newtonien qui meurt, c'est pas le temps tout court. C'est le temps newtonien qui meurt. Oui, oui. Non, le temps qui est pour nous, pour parler ici, c'est le même avant. Et ça, finalement, ça, c'est la grande question. Qu'est-ce que c'est le temps pour nous ? Mais on va y arriver. Il va mourir lentement. C'est-à-dire, la première morte, en 1905, avec la relativité restreinte, ce n'est pas finalement si grand mort du temps. Parce qu'en 1905, Einstein, ou mieux, Einstein compris par Minkowski, Einstein comme on le comprend aujourd'hui, garde l'idée d'une structure absolue par rapport auquel se passent les phénomènes du monde, sauf qu'il se rend compte qu'on ne peut pas séparer la structure spatiale et la structure temporelle. C'est l'espace-temps. C'est l'espace-temps. Avec un tiret qui montre qu'on ne peut plus les séparer. Voilà. Et moi, quand je l'écris, j'enlève le tiret, je fais seulement espace-temps, parce que ça me semble plus raisonnable, comme on écrit quelquefois un pas dans le livre. Dans le livre, vous mettez un tiret. Dans la traduction française. Et là, c'est mes éditeurs qui sont ici. Moi, j'ai bataillé, mais j'ai perdu. Spazio-tempo et space-time en anglais, en italien, ça peut s'écrire dans un seul mot. Voilà, donc en tout cas, dépendamment de comment on l'écrit, c'est pas important comment on nomme les choses, comment on les écrit, c'est important qu'est-ce qu'on veut dire, c'est une notion unitaire. Donc on n'a plus un temps séparé de l'espace, et sur le fait que le temps est une structure absolue, on est encore dans la logique newtonienne là. Ce qui change, c'est la structure de ce temps. C'est l'espace-temps à la place de l'espace et du temps. Voilà. Et la grande différence entre l'espace-temps et le temps tout seul, c'est que quand je pense au temps tout seul, je peux penser au maintenant. Et le maintenant, c'est quelque chose de bien défini ici et partout, ici, à New York, partout dans l'univers, sur une galaxie lointaine, je peux penser maintenant. Par contre, ce que Einstein comprend en 1905, c'est ça, je ne peux pas le faire. Ça n'a aucune signification. Il n'y a pas un présent de l'univers qui soit donc commun à tout l'univers. Exactement. Il y a un présent pour moi et pour toi, parce que nous sommes très proches l'un de l'autre et on peut négliger notre vitesse. La vitesse de la lumière entre les deux. C'est des nanosecondes, on ne le voit pas. Mais dès qu'on s'éloigne un peu, on n'a pas façon de mettre en accord les temps différents. Donc je peux dire ici, maintenant, ça veut dire quelque chose, mais maintenant tout seul, ça ne veut rien dire. La question... qu'est-ce qui se passe maintenant sur une galaxie lointaine est une question sans réponse, ne veut rien dire. Il y a des événements dans le passé, certainement dans le passé, ce que je vois, je regarde là, je vois des traces là. Il y a des événements dans le futur, mais entre les deux, il y a une longue, qui peut être des millions d'années, un long intervalle. Là, durant cet intervalle, il n'y a pas un moment particulier qui correspond au maintenant ici. Ça, c'est la... extraordinaire découverte d'Einstein en 1905 qui bouleverse notre idée de la réalité. Ça, c'est une des premières merveilles des découvertes modernes sur le temps. Donc le temps perd son unicité. Voilà. Vous écrivez quelque part que finalement il y a une vitesse d'écoulement du temps qui n'est pas la même pour tous les observateurs. Comment est-ce qu'on peut définir une vitesse d'écoulement du temps, sachant qu'une vitesse est une variation par rapport au temps? Ah ben, c'est une façon de parler. Ce que je veux dire, c'est très simple, c'est-à-dire nous avons des horloges pour mesurer le temps. C'est pour ça que j'ai des horloges. Alors je ne sais pas si à la radio on voit bien ces deux horloges, mais j'ai deux horloges. J'ai deux horloges dans mes mains. Si j'enlève, je mets une des horloges un peu plus en haut, un peu plus en bas. J'attends un peu de temps et je les remets ensemble. Je les regarde. Je vois que celui en haut a avancé par rapport à celui en bas. Et ça, c'est pas seulement les horloges, c'est tous les phénomènes. C'est-à-dire, à nous, il y a plus de pensées, plus de pendules aussi plus de fois, des fleurs vont naître plus vite, etc. Oui, par définition, le temps propre, c'est celui d'un observateur, et un observateur, il est toujours immobile par rapport à lui-même. Et donc, il n'y a rien qui affecte son temps propre, même s'il en déplace. Je dirais, c'est pas... oui, je dirais, on n'a pas besoin de donner une définition. Des phénomènes égaux ne sont plus un accord temporel quand un est plus en haut, un est plus en bas. Ma remarque vient du fait que souvent on présente la relativité comme disant il y a un temps universel, mais son rythme d'écoulement dépend de l'observateur ou de la vitesse, alors qu'il me semble que les équations d'Einstein disent simplement qu'il y a autant de temps différents qu'il y a d'observateurs différents. Exactement. Exactement. Donc, la façon, le temps universel et les observateurs, c'est une façon de dire les choses confuses, je trouve. Voilà, ça crée de la confusion. Ça crée de la confusion, absolument. La façon propre, celle que tu, exactement ce que tu viens de dire, c'est-à-dire, on est à la radio, vas-y, vous voyez. Pardon. Oui, mais à l'université, pour tout le monde, c'est tutoie, donc c'est très dur tout le monde, mais je veux faire un effort. Chaque phénomène, chaque chose qui bouge dans l'univers, que ce soit une horloge, que ce soit moi, que ce soit une plante, que ce soit n'importe quoi, a son propre temps. Et en réalité générale, ça s'appelle le temps propre. Et il n'y a que ces temps propres. Et il y en a un pour chaque objet qui bouge dans l'univers. Ici, au Salon du Livre, avec tous les gens qui sont ici, chacun de nous, nous sommes tout proches, nous sommes tout gros, nous ne bougeons pas beaucoup l'un par rapport à l'autre, donc le temps est commun. On est dans le même référentiel. On est le même référentiel. À bien voir, il y a des différences, mais elles sont trop petites pour les voir. Alors, moi, je suis un peu plus petit, Vous êtes un peu plus grand, donc moi, comme je suis un peu plus en bas, il y a moins de temps pour moi. Mais c'est quelques nanosecondes sur notre vie. Donc, ce n'est pas beaucoup. Enfin, il n'y a pas moins de temps. Il y a du temps autant que quand on est plus haut. Simplement, son rythme d'écoulement n'est pas le même. Oui. Mais il y en a autant. Il y a autant de temps. Il n'y a pas les mêmes durées. Il n'y a pas les mêmes durées. Quand on se rencontre, qui a été plus anneau a eu plus de possibilités de faire des choses. Il y a Interstellar. Alors là, on n'est plus dans la relativité restreinte, mais on est dans la générale, nouvelle théorie de la gravitation. Et d'ailleurs, vous avez des pages dans votre livre qui sont très lumineuses pour expliquer comment, dans le cadre théorique qu'Einstein a mis sur pied, on comprend la chute des corps. Qu'est-ce que ça veut dire tomber ? Alors, quand on est chez Newton, ça veut dire on subit une force qui est la force de gravitation. Et quand on est chez Einstein, la gravitation n'est plus une force. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? Ah, ça me fait beaucoup plaisir que vous aimiez ce passage-là, parce que j'ai eu beaucoup de critiques par ce passage-là, par des gens que, je dirais, il faut bien comprendre la réalité générale pour apprécier ça. Ah, c'est une façon de dire originale, mais il me semble qu'elle est originale. Très originale, oui, voilà. Oui, c'est très original. Juste... Alors, le temps, dans ce sens-là, il y en a plus en haut qu'en bas. Dans le sens, il y a plus de durée en haut qu'en bas. Et... c'est à cause de ça, c'est strictement à cause de ça que les choses tombent sur la Terre. C'est un fait mathématique. C'est-à-dire, si on écrit la métrique, c'est-à-dire la structure temporelle de l'espace-temps, en tenant compte de cette différence de temps avec l'auteur, et dans cette structure, on cherche les lignes droites, on se rend compte que les lignes droites... descendent vers le bas et donc tombent. Et j'ai fait une analogie qui est plus qu'une analogie, parce que c'est une analogie formale mathématique très forte, entre l'image que nous avons si nous regardons une planisphère, une image du monde, et le parcours d'un avion qui va de Paris à New York. Et on voit qu'il monte vers le haut, vers le nord, et après il retourne vers le sud, au lieu d'aller droit. Mais pourquoi ? Parce que la Terre est ronde, il y a moins de distance entre est et ouest qu'on n'en est plus à nous, plus vers le nord. Et donc, c'est convenable pour l'avion de monter et descendre, parce que finalement, ça, c'est plus court. Et ça, c'est exactement la même mathématique qui fait que, dans l'espace vrai dans lequel nous sommes, comme à nous, il y a un temps différent qu'en bas, c'est plus convenable, c'est plus droit pour un objet de monter et redescendre si je le tire d'un endroit à l'autre. Donc les choses tombent littéralement à cause de la différence de vitesse de temps, entre guillemets. Donc on tombe pour rejoindre des temps plus tranquilles, voilà. Et coulent moins lentement, moins rapidement plutôt. On va vers le bas, où nos pieds vivent moins que notre tête. Bon, la prochaine fois qu'on fera du sol élastique, on aura cette idée en tête. Mais pour le moment, c'est l'occasion de passer le premier morceau de musique que vous avez choisi, Carlo Rovelli. Et je crois que c'est Janis Joplin. Nous allons l'écouter. Ok. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, yeah, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, yeah, Bobby, baby, kept me from the cold. I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, loud when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby. Vous êtes sur France Culture, c'est la conversation scientifique en direct du Salon du Livre avec le physicien Carlo Rovelli qui a choisi cette chanson de Janis Joplin, Me and Bobby McGee. J'ai noté une parole, une phrase dans cette chanson, j'échangerais volontiers tous mes lendemains contre un seul hier. Ça vous parle ça? C'est pour ça que vous l'avez choisi? Non, c'est parce que Janis Joplin c'est révolte, changement, liberté. Et rébellion. Et la science, c'est révolte, changement, liberté, rébellion. Il y a quelque chose d'assez rebelle chez vous. Notamment dans certaines pages de votre livre et puis dans l'ensemble de votre travail, il y a une contestation, une tentative en tout cas de remplacer les lois établies par d'autres lois, plus profondes peut-être. Oui. Et ça va être le sujet de notre discussion à venir. Mais avant, je voudrais qu'on parle d'une autre révolution qui a affecté la physique dans les années 20, qui est la physique quantique. Oui. En quoi est-ce qu'elle a touché la question du temps, sachant que l'espace-temps de la physique quantique, c'est celui de la relativité restreinte, donc on pourrait dire rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau, jusque la mécanique quantique, nous l'avons appliquée aux atomes, aux champs électriques, à la matière, aux choses qui bougent dans l'espace et dans le temps. Mais tout change du moment où on se rend compte que la mécanique quantique s'applique ou doit s'appliquer, va être important aussi pour le champ de gravité et donc pour l'espace-temps d'Einstein, et donc pour cet objet déformable qui est l'espace-temps, qui est ce qu'Einstein a introduit en relativité générale. Donc d'un coup, la distinction initiale qu'a fait Newton entre le vieux temps relatif des choses du mouvement et le temps absolu prend une force énorme, parce que le vieux temps reste le même, on peut nommer le mouvement, mais la structure absolue qui détermine la vitesse des horloges, qui fait aller les horloges plus vite ici et plus longtemps là, ça c'est donné par le champ gravitationnel, et le champ gravitationnel est quantique. Donc cet aspect-là de temps devient quantique avec tous les mystères et l'étrange comportement des objets quantiques. Alors ça veut dire que si je comprends bien qu'avec la mécanique quantique, plutôt avec la relativité générale, l'espace-temps devient lui-même un objet physique. Exactement. Et que du coup la mécanique quantique va le quantifier comme Exactement. Elle quantifie tout le reste. Exactement. Et donc il faut quantifier le champ de gravitation qui déforme l'espace-temps. Exactement. Il faut quantifier l'espace-temps. Mais alors comment on fait sens. Ah ben, venez à Marseille, dans mon groupe, on écrit des équations, on travaille. Ouais, non, mais bien sûr, mais vous avez une méthode qui consiste à dire que l'espace-temps a quatre dimensions, voilà. Qu'il est quantifié, si on peut dire. Alors, il y a des physiciens qui suivent d'autres pistes. Il y a plusieurs pistes, il y en a deux principales en ce moment, il y en a d'autres, mais les deux principales sont celles sur lesquelles on travaille, qui est la gravité quantique à boucle, qui finalement ne fait que ça, étudie les propriétés quantiques de l'espace-temps. L'autre est la théorie des cordes, qui récemment est arrivé à des conclusions qui ne sont pas très loin, et donc finalement à ce niveau général d'études se retrouve pas mal avec ce que je suis en train de dire. L'espace-temps quantifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord qu'il y a un aspect granulaire, non? Le champ électrique quantifié, c'est les photons, ce sont des graines de lumière. Et donc, on se trouve avec des graines d'espace, c'est le quanta d'espace, et des graines de temps. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, des graines de temps? Ça veut dire que le temps a une durée minimale au-dessus de laquelle il n'y a plus rien. Il y a des sauts minimales de temps. C'est comme si le temps sautait. Comme un kangourou. Comme un kangourou, exactement. On saute comme un kangourou. Oui, mais alors, très petit kangourou. Hein, mais s'il y a du temps de temps en temps, s'il y a du temps seulement de temps en temps, pendant combien de temps il n'y a pas de temps? À 10 moins 44 secondes. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire une chose précise. Ça veut dire que on peut parler de temps, de durée, plus petite, mais parler de durée plus petite que ça, ça ne veut rien dire. C'est une illusion mathématique. On peut faire des maths, mais on n'est plus en train de faire de la physique. L'idée que les choses soient divisibles à l'infini, si cette théorie est correcte, ne s'applique pas au temps. Le temps, intrinsèquement, a des unités. Donc finalement, compter combien de temps ça passe, ça veut dire compter combien d'unités. Donc j'imagine que ce qui vaut pour le temps vaut aussi pour l'espace. Ce qui vaut pour le temps vaut aussi pour l'espace et vaut aussi pour le volume. Et une des choses que la théorie des boucles fait, c'est de donner des formules explicites pour les graines, les valeurs possibles du volume. Donc un de volume l'air. Peut pas être quelconque, il a un multiple entier d'un volume minimal dont la taille est fixée par la physique quantique. Les volumes ne peuvent pas être quelconques, il y a des valeurs particulières qui ne sont pas nécessairement des multiples entiers de valeurs minimales, mais qu'on peut calculer avec des techniques standards de mécanique quantique, comme on calcule l'énergie des atomes, qui aussi est quantifiée. Non, l'énergie des électrons peut avoir certaines valeurs et pas d'autres. On le sait, toute la spectroscopie est basée sur ça. De la même façon, un volume de n'importe quoi peut avoir certaines valeurs et pas d'autres qu'on calcule. Ça, c'est la théorie. Est-ce que nous sommes certaines? Non. Donc là, on a sauté dans ce qu'on est en train de construire. Mais ça rejoint une question que je posais tout à l'heure, c'est-à-dire pour accepter de dire qu'une variable qui a les propriétés que vous venez de dire correspond au temps, il faut déjà avoir présupposé que le temps pouvait être cette chose. Moi, il faut avoir admis a priori que le temps pourrait être discontinu. Oui. Très bien. Ça, c'est le cœur du problème. On pourrait dire que c'est autre chose, finalement. Ça, c'est le cœur du problème. Moi, je dirais comme ça. Nous avons une idée du temps très utile dans notre vie et qui nous permet de vivre très bien. Première phase, on se rend compte que les choses sont plus compliquées que ça dans la nature. Donc, voilà, ça, on l'a appris. Donc, on est ouvert à pouvoir la changer. Deuxième phase, on se rend compte que beaucoup des aspects de cette notion intuitive du temps ne sont pas là en général dans la nature. Il n'y a pas un temps universel, etc., etc. À ce point-là, on peut se demander, est-ce qu'on a besoin de parler du temps? Moi, j'ai créé un article il y a quelques années. Le titre était en anglais « Forget time », « Oubliez le temps ». Alors, ça ne veut pas dire que je suis italienne et je dis à tout le monde d'arriver en retard. C'est pas ça. Ça veut dire qu'on peut oublier complètement la question de qu'est-ce que le temps pour faire de la physique fondamentale, écrire les équations qui décrivent comment les variables sont en relation l'une de l'autre et ne pas se demander où est le temps. Et donc, ça veut dire que le changement serait premier par rapport au temps. Exactement. Le temps serait simplement une façon de dire le changement. Parfaitement. Le changement est premier par rapport au temps. Les choses changent. C'est pas l'idée d'une idée du monde fixé. C'est l'idée d'un monde, un complet changement, mais pas un changement ordonné tous ensemble dans un temps commun ou quelque chose, ni même ordonné dans la géométrie quadridimensionnelle d'Einstein. Les équations de la gravité quantique à boucle n'ont pas de variable temps. Quand même, de là, on peut faire des approximations et revenir à la gravité d'Einstein, aux théories connues. Donc, on reconnaît la variable temps seulement au niveau d'approximation et pas dans la théorie fondamentale. Est-ce qu'on ne peut pas dire que, du coup, le temps s'est réfugié ailleurs dans la théorie avec d'autres masques, que le temps dont on a l'habitude de penser n'est plus là, mais qu'il s'est transformé sous la forme de variables mathématiques différentes qui le traduisent autrement, mais il est toujours là d'une autre façon. En disant que le temps n'existe pas, on pratique peut-être un raccourci. Oui, le temps n'existe pas, c'est un slogan et c'est un raccourci. Deux choses. À niveau fondamental, on n'a pas besoin de reconnaître une variable particulière que soit le temps pour dire que les variables changent. Elles changent tous ensemble. Et ce que la théorie me dit, c'est comment les choses... Je vais le dire de façon simple. Nous pouvons dire, on s'est donné rendez-vous à 4 heures, il faut parler jusqu'à 5 heures, à 6 heures, je vais prendre moyen de transport, à 8 heures. Ou, je peux dire, quand vous êtes arrivé là, moi je suis arrivé là. Quand je suis sorti, le soleil est en train de coucher. quand, voilà. Donc, je ne parle pas de temps, je parle de phénomènes qui se passent en conjonction, d'une certaine façon, l'une des autres, sans parler explicitement du temps. Évidemment, je suis en train de dire la même chose. Mais je n'ai pas choisi une quantité particulière pour nommer les différentes phases de changement. Et quand il ne se passe rien, quand il n'y a pas d'événement, est-ce que le temps est quand même là ? Non, ça c'est on revient à Aristote qui disait que quand rien ne se passe, il n'y a pas de temps. Donc on revient en arrière. On revient à l'idée aristotélienne que le temps n'est rien que une façon de parler du changement. Donc il n'y a pas de temps si rien ne se passe. Alors c'est bizarre parce que si on prend la physique classique, disons la thermodynamique, un système évolue, puis il atteint un équilibre. Quand il atteint l'équilibre, plus rien ne change. En tout cas, à l'échelle macroscopique, les grandeurs sont conservées. Et le temps continue de passer. Autrement dit, le temps passe même quand plus rien ne se passe. Et c'est ça que vous inversez. Oui. C'est le changement qui fait que le temps passe. Oui. Du coup, le changement serait le moteur du temps. Oui, exactement. Le changement. Parce que vous citez à un moment une élégie de Rilke qui s'appelle la première élégie du Duino. Oui. C'est quoi ce Duino? C'est une ville? C'est un petit village pas loin de Trieste, dans le nord d'Italie, sur la mer. Très beau. Rilke parle du courant éternel qui charrie tous les âges. Oui. Donc c'est le moteur du temps. C'est le moteur du temps. C'est cette idée de cette immense chose qui passe partout dans l'univers et que ça fait bouger l'univers. Alors Newton disait qu'il ne savait pas ce que c'était que le moteur du temps. Il ne l'avait pas identifié. Il ne faisait pas d'hypothèse, oui, comme il le disait. Et du coup, on met une flèche sur l'axe des temps chez Newton pour dire ça avance, mais on ne sait pas ce qui fait que ça avance. Et du coup, le changement devient quelque chose qui se produit dans le temps. Oui. Et le temps, d'une certaine façon, est la seule chose qui ne change pas, puisque le paramètre T est homogène, tous les instants du temps, oui, sont équivalents, oui, etc. Et vous proposez plutôt une sorte de... On peut appeler ça une révolution copernicienne? Finalement, je suis très... Carlo le radical, là, est très conservateur. Je propose de retourner à Aristote, c'est-à-dire qu'il y a des longues discussions. Aristote même dit... Si je me mets dans une chambre silencieuse, noire, je ne fais rien, je suis complètement immobile, est-ce que le temps passe? Et il se répond lui-même, bien sûr, parce que dans mon cerveau, dans ma pensée, il y a quand même des événements qui suivent l'une à l'autre, et c'est ça que je suis en train de percevoir, le changement de ce... C'est une question qui est philosophique, technique et en même temps, et de définition en même temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous voulons appeler par temps? Parce que moi, je pense, c'est un peu tout le sens du livre, que le mot temps, c'est très très chargé, à plein de significations, une sur l'autre. Et l'erreur plus commune... Vous en donnez une liste d'ailleurs, et vous, oui, vous dites, quand j'emploie le mot temps dans la suite du livre, ça peut être l'une quelconque de ces définitions. Voilà. Ce qui n'aide pas à comprendre du coup. Puisque le temps se retrouve victime d'une forme de polysémie, oui, qui fait qu'on peut le confondre avec la durée, avec la succession, oui, avec le changement. Exactement. Et que du coup, ça mériterait, comme disait Paul Valéry, qu'on procède à un nettoyage de la situation verbale. Un nettoyage de la situation verbale, qui est difficile à faire... à cause du fait que nous n'avons pas les idées claires sur ce duquel nous sommes en train de parler. Si on avait les idées claires, c'est-à-dire une fois qu'on a bien compris la relativité générale, par exemple, ou sans la mécanique quantique, on a fait beaucoup de confusion, mais une fois compris la relativité générale, on a pu faire ce nettoyage. On parle de temps propre, on parle de temps coordonné, on parle de temps cosmologique, et on connaît les différences entre tout ça. Mais en gravité quantique, si je veux mettre tout notre savoir ensemble et faire une théorie cohérente avec tout ce qu'on sait, on n'a pas encore les idées claires. Et mon point de vue personnel, c'est de dire, oublions le temps complètement, on peut écrire la théorie, ça devient prédictif, et on se demande ensuite, qu'est-ce que le temps pour nous dans cette théorie? Et là, c'est toute la dernière partie du livre, c'est un long processus, parce que comme le temps a plein de caractérisations différentes, Elles vont apparaître à des niveaux d'approximation différents qui vont de la thermodynamique à l'approximation non relativiste, à notre cerveau, à le fonctionnement même de notre cerveau et à nos émotions. Parce que je pense, et c'est la partie finale du livre, que quand nous parlons du temps, très souvent, ce de quel nous sommes en train de parler, c'est de l'émotion du temps. le sens du temps, du passage qui nous touche de proche. Et la mort, oui. Le livre ça arrive jusque-là. Ça s'arrête sur cette attitude humaine vers la mort. On n'en est pas encore à la mort. Hein. On a encore des choses à dire sur le temps. Carlo on ne sait jamais, Inch'Allah. Mais on a d'abord un morceau de musique que vous avez choisi à écouter. Il s'agit de Fior Alina de Arvo Pärt. Oui. Nous sommes en direct au Salon du Livre pour la conversation scientifique sur France Culture avec Carlo Rovelli. Alors avant d'écouter cette musique, alors pourquoi vous l'avez choisie d'abord, Carlo Rovelli ? Parce que c'est une musique dehors du temps, parce que c'est la pureté absolue de ce monde abstrait, et c'est un peu le monde de la physique très fondamentale qui nous... Mais on dirait que c'est le temps de la gravité quantique à boucle. Voilà, c'est le temps de la gravité quantique à boucle, c'est ça. Nous écoutons le temps de la gravité quantique à boucle. Je ne sais pas si Arvo Pärt serait content, mais peut-être si. Voilà. Alors, on discutait de votre théorie, la gravité quantique à boucle, justement, et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que ce qui rend les choses encore peu claires, comme vous l'avez dit, c'est le fait que vous avez du mal à comprendre ce que disent les équations, ou bien est-ce que c'est parce que vous manquez de données expérimentales qui vous indiquent dans quelle direction aller et sur quel principe la fonder ? Souvent, la science a dû faire des sauts conceptuels forts. C'est passé avec Newton, c'est passé avec Einstein, c'est passé même avec Faraday et Maxwell, c'est passé plusieurs fois. Et dans d'autres domaines, bien sûr, avec Darwin, Poincaré a fait des sauts conceptuels importants dans la mécanique. Là, ce n'est pas seulement en question d'écrire les bonnes équations ou de lire dans les équations, de faire des expériences. C'est de repenser les choses avec une structure conceptuelle un peu différente. Donc, comme on sait, on le voit concrètement, que le temps devient quantifié dans quelque sens, et donc il faut le repenser, exactement comment le repenser, c'est pas clair. Alors, aujourd'hui, la gravité quantique à boucle est un ensemble d'équations bien définies, peut-être à changer, je ne sais pas, mais ça existe, un ensemble d'équations bien définies. Alors, les choses sont, première, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Qu'est-ce que ça nous dit sur le monde? Et deuxième, évidemment, est-ce qu'on peut le tester? Et on n'y est pas là pour le tester, on est en train de travailler, mais on n'y est pas là. C'est quand même une théorie qui permet de faire des prédictions. Par exemple, que la vitesse de la lumière dépendrait de la fréquence? Non. Par exemple, que les trous noirs vont exploser et se transformer dans quelque chose que nous sont, qui ont des effets physiques qu'on peut observer. Mais la théorie des cordes aussi prédit ça. Ah ben oui, il y a... avec des différences. Et donc, il faut attendre que des trous noirs explosent pour savoir qui a raison? Peut-être qu'il y en a plein qui ont déjà explosé et sont là et on ne voit pas. Peut-être la manette Terre noire, c'est tout des trous noirs explosés. Il y a plein de possibilités encore. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas dans le monde. Je sais bien. Mais dans un livre précédent que vous aviez écrit, Carlo Rovelli, j'avais lu le récit que vous faisiez de votre rencontre avec Alain Cohn, que nous avons reçu à l'émission il y a quelques temps pour parler de son nouveau roman. Oui. Le spectre d'Akatama. Je le connais. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette anecdote qui est quand même assez savoureuse, puisque c'est la rencontre entre les travaux d'un mathématicien et les vôtres à l'époque, oui, qui a contribué à l'émergence de cette nouvelle théorie? Oui, alors, pour moi, ça a été fondamental dans ma vie. Alain Comte, c'est un personnage immense, avec une intelligence, une profondeur extraordinaire, et surtout une vivacité intellectuelle qui est absolument unique. C'est comme un petit enfant passionné qui produit des idées avec une capacité d'évatif incroyable. Moi, j'avais des idées sur le temps qui se sont développées, qui sont devenues beaucoup de choses qui finalement sont rentrées dans ce livre. Et j'étais assez seul à un certain moment. J'étais allé à Cambridge à une réunion de physique et par hasard, je me suis trouvé assis à côté d'Alain Cohn au dîner. Vous le connaissiez ? Oui, un peu comme ça, mais pas vraiment. C'était du bonjour, bonsoir aux conférences. Et lui, français, moi italien, presque tout le monde était anglo-saxon autour, donc vous pouvez imaginer facilement, on a commencé un peu à se sentir partie de même monde. Et après, il avait du vin comme ça. Il a laissé tomber, moi j'ai des idées sur le temps, et il a dit deux ou trois choses. Et moi j'étais très curieux, j'ai dit, qu'est-ce que c'est ces idées sur le temps? Et il a dit, non, mais j'ai pas envie de parler de ça. Et moi, j'ai dit, non, mais écoute, Alain, je lui dis, non, dis-moi, qu'est-ce que tu penses sur le temps? Alors, finalement, il a commencé à m'expliquer toute une chose. Il avait des petits morceaux de papier, des pains, il les tirait en bas, il faisait avec la fourchette des lignes les Anglais nous regardaient un peu comme ça. Et moi, j'ai compris d'un coup que ce qu'il était en train de me dire, c'était les mêmes idées que sur lesquels j'étais en train de travailler. Donc, j'ai rien dit, je suis monté dans la chambre, lui il est resté un peu comme ça, et je suis descendu avec deux papiers que je venais de terminer, et je lui ai mis les papiers dedans, devant, il a commencé à lire, et s'est rendu compte que ce qu'il avait dans le papier, c'était finalement un cas particulier d'un résultat mathématique très important qu'il avait trouvé, qu'il était en train d'interpréter comme une possible source du temps. Dans une physique fondamentale sans temps. Donc, l'idée, c'est qu'il y a une physique fondamentale où il n'y a pas du temps, il y a une certaine structure qui permet de reconnaître une variable comme un paramètre, comme un paramètre temporel. Lui, il a fait, c'est un théorème très important qu'il a fait sur les algèbres, le système d'algèbre non commutatif. Et moi, ce que j'avais, c'était une version partielle de ça, avec l'interprétation physique, c'est celle qu'il cherchait. Donc moi, j'ai trouvé la version générale de ce que j'avais, et lui, il a trouvé l'interprétation physique qu'il cherchait. Quand il est venu à l'émission, il a expliqué que d'après lui, c'était ça le moteur du temps, qu'il y a des relations de non-commutation qui engendrent une sorte de moteur géométrique du temps, et il n'en démord pas. Il expliquait même que le grand but des mathématiques et aussi de la physique, c'est de comprendre comment le monde physique est inséré dans un monde mathématique plus large. Oui. Il est hyper platonicien de ce point de vue-là. Il est hyper platonicien. Moi, je ne suis pas si platonicien comme lui. Mais vous l'êtes aussi parce que vous pensez que le monde peut être décrit par des équations, finalement. Le monde est décrit par des équations. Moi, je dirais pas que le monde est des équations. Est-ce qu'il l'est intégralement? Pardon. Est-ce que notre rapport au temps pourrait être compréhensible ou rendu intelligible par la physique seulement? Alors. Ou est-ce qu'il faut y ajouter d'autres sciences comme les neurosciences? Très bonne question, et je cherche à répondre de façon précise. Je pense que c'est une erreur de poser il faut poser les questions à la science juste. C'est-à-dire? J'y arrive. si on part de l'idée, l'erreur commune, qui est très fréquente, est de dire... il y a des aspects de la temporalité comme nous la percevons, de la phénoménologie du temps, donc du temps comme je le sens, comme je le perçois, que je ne vois pas dans les équations fondamentales de la physique. Donc, il y a quelque chose dehors de la physique. Ce donc, je pense, c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont dans la nature à des niveaux qui ne sont pas qui n'est pas la physique fondamentale. Et pour le temps, c'est ce que se passe. Il y a la physique fondamentale, il y a la mécanique quantique, il y a la temporalité due à la mécanique quantique de Kohn, il y a la thermodynamique, il y a la statistique, la thermodynamique, il y a la biosphère, il y a la biologie, il y a notre cerveau. Il y a toute cette complexité. Et c'est la structure de notre cerveau qui se lie, notre cerveau c'est un système physique comme les autres, qui se lie au reste du monde dans une façon particulière qui est celle que nous percevons comme le passage du temps. Donc le passage du temps, il faut le comprendre à partir de la structure de notre cerveau. C'est quelque chose d'émergent. C'est quelque chose d'émergent, ou de particulier, ou de spécifique, qui... Vous voyez, comment ça marche notre cerveau ? Ça utilise la thermodynamique, ça utilise les traces, pour avoir des mémoires, pour prédire ce que va se passer. Donc, à chaque moment, ici, maintenant, notre cerveau est attaché à des traces de mémoire et prédit un morceau de futur. Donc, à l'intérieur de notre cerveau, il y a quelque chose qui s'accroche à quelque chose d'un côté et de l'autre de la ligne du temps locale. Et ça, c'est le temps pour nous. Le temps pour nous, c'est cet espace ouvert par la mémoire et l'anticipation. Donc, pour comprendre ça, évidemment, ce n'est pas la physique qu'il faut demander. C'est aux gens qui font de la neurobiologie, qui est une partie de la physique, qui est une partie de la chimie, etc. Tout se tient. Ce ne sont pas des sciences en contradiction l'une avec l'autre, pas du tout. Mais c'est à cette structure plus complexe, c'est dans cette structure plus complexe qu'il faut comprendre le temps. Parce que vous savez mieux que moi qu'Einstein, à la fin de sa vie, s'est déclaré troublé par le fait que la physique décrit l'instant présent comme un instant banal, alors que pour un sujet conscient comme nous, l'instant présent, il est très particulier, il n'est pas comme tous les autres. Et que du coup, ça pose la question de savoir comment expliquer l'éclat particulier qu'a le présent pour nous. Est-ce que c'est à la physique d'en rendre compte? Ou est-ce que c'est aux neurosciences ou aux sciences cognitives en général? Exactement, exactement. Et moi, je pense que, pour répondre à ces questions qui sont très difficiles et qui ne sont pas éclaircies, il faut briser la question en morceaux, il faut faire l'éclater. Jusqu'au moment où on pense, le temps est le temps. Le seul qu'on sait unique où il est, on fait confusion. On s'empêche de le penser. Voilà, il faut, et c'est ce que je fais dans le livre, vous le séparez en question. Briser un niveau. Et ça, on le comprend comme ça, ça, on le comprend comme ça, ça, on le comprend comme ça. Finalement, la totalité du temps, comme on le perçoit, on ne peut pas éviter de passer pour la compression du cerveau. Vous citez Heidegger, Carlo Rovelli, qui dit « le temps se temporalise seulement du fait que l'homme est ». Vous êtes d'accord avec ça ? Alors, j'ai une relation un peu étrange avec Heidegger. Comme tout le monde. Oui, comme tout le monde. Quand j'étais jeune, je l'aimais beaucoup. Ensuite, je l'ai détesté horriblement. J'étais très influencé par le monde anglo-saxon. Anglo-saxon. J'étais très immergé dans le monde philosophique américain pour longtemps. Donc, je me suis tenu à grande distance. Vous connaissez bien les critiques, ce n'est que de l'obscurité, c'est du blablabla, etc. etc. Mais finalement... Il n'y a pas que celle-là. Il n'y a pas que celle-là. Mais je suis retourné à Heidegger, parce que c'est dur de penser autant que le temps sans passer par Heidegger. Heidegger a une... Je me suis rendu compte... Ce qui m'a frappé, c'est que Heidegger dit une chose sur le temps qui est la même que dit Reichenbach. Reichenbach, c'est un philosophe du monde opposé, anglo-saxon, très scientifique, philosophie analytique. Et tous les deux disent la même chose, c'est-à-dire que dans notre réaction au temps, il y a plein d'émotions, d'émotionnalité. D'accord ? Et reconnaît ça. Reichenbach est très fort sur ça. Il arrive à dire il y a des philosophies entières qui se sont construites parce que nous avons peur du temps qui passe. Après, c'est la peur de la mort qui contamine notre pensée du temps. C'est la peur de la mort qui contamine notre pensée du temps, exactement. Et donc, on s'invente un monde sans temps, un monde dehors du temps, vie éternelle et tout ça. À ce point-là, Reichenbach et Heisenberg prennent des directions opposées pour étudier le temps. Pour l'un, la réaction à ça est de dire « Ok, je cherche d'éclaircir le nuage, le brouillard de l'émotionnalité pour voir ce qu'est le temps dehors de la nature. » L'autre dit « Je m'en fous de ce qu'est le temps de la nature. Je veux voir ce qu'est le temps pour moi. » Donc, ils parlent de deux choses différentes. Ce n'est pas qu'ils sont en désaccord. Ils parlent vraiment de deux choses différentes. Et le temps... Heidegger utilise une expression que le temps c'est une radure, je ne sais pas si on dit une radure en italien, je ne me rappelle pas le mot. Donc une ouverture dans la forêt, un espace éclairci dans la forêt, qui est celle que nous percevons autour de nous. Une clairière. Et ça c'est exactement ce que notre cerveau fait. Non, c'est la mémoire et l'anticipation qui est, si on y pense, ce que nous sommes. Parce que nous, notre identité est fondée sur l'existence de cette mémoire et cette anticipation. Donc finalement, le temps, c'est nous. C'est notre temporalité. Et c'est ça le point d'arrivée du livre. Mais si le temps, c'est nous, comment a-t-il pu passer jusqu'à ce qu'on arrive? Parce qu'il y a plusieurs aspects du temps. C'est-à-dire qu'il y a le temps pour nous et il y a le temps des équations de la théorie des équations à boucle, le temps de Newton. Tous ces temps existent et sont en relation l'une avec l'autre, avec l'une et l'approximation de l'autre. Et chacun d'entre eux n'est pas valable à un niveau plus général. Le temps de Newton, ce n'est pas faux. C'est simplement une bonne approximation ici, une mauvaise approximation dehors. En tout cas, la peur de la mort avec vous, ça ne marche pas. Je vous cite. La mort ne me fait pas peur. Elle ne me faisait pas peur quand j'étais jeune homme. Mais je croyais alors que c'était parce qu'elle m'apparaissait lointaine. Mais maintenant, à 60 ans, la peur n'est toujours pas arrivée. J'aime la vie, mais la vie est aussi fatigue, souffrance et douleur. Je pense à la mort comme à un repos mérité. Oui. C'est de vous, ça. Oui, c'est moi qui... C'est étrange. C'est la traduction française d'un livre que vous avez écrit en italien. Voilà, ça ressemble. Vous êtes comme Job qui mourut lorsqu'il fut rassasié de jours. Voilà. Bon, peut-être ça va arriver, je ne sais pas. Hein. J'espère que non, mais peut-être ça va arriver. Mais je pense que c'est justement parce qu'elle est bref qui est précieuse, la vie. Donc, ce temps qui est ouvert pour nous par la structure de notre cerveau, c'est ce que nous donne notre identité, ça ne veut être, c'est le don de l'existence, c'est merveilleux. C'est aussi, et j'en parle beaucoup, la source de notre souffrance, non? Parce que le temps passe, justement. Le temps passe, bien qu'il n'existe pas, Carlo Rovelli. C'est déjà passé? Vous citez beaucoup de poètes dans votre livre, et je voulais vous faire réagir à cette phrase de Robert Desnos, qui dit « Le temps est un aigle agile dans un temple ». Agile étant l'anagramme d'aigle. Ah. Il me semble que c'est une illustration de la théorie de la gravité quantique à boucle. Vous êtes d'accord? Oui, merci. Ça sera la conclusion. Merci à vous d'être venu. Merci beaucoup, Étienne. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Cyril Baer. C'était en direct et en public au Salon du Livre. Et je remercie le public patient qui est resté avec nous. À la technique, et je les remercie tout particulièrement parce que les conditions sont difficiles, Emmanuel Morse-Duncan et Jean Frédérix. Et à la réalisation, Milena Helig. Merci à tous. Avec Le Point.